Document 2, page 100. Pardon, messieurs, dames, vous avez une minute pour un sondage ? Oui. Est-ce que vous aimez recevoir du courrier ? Bien sûr. Et vous, est-ce que vous écrivez souvent des lettres ou des cartes postales ? Jamais. Et vous, madame ? J'en écris très peu, bien que je me dise souvent que ça ferait plaisir à mes amis. Pour un anniversaire, par exemple. Quelquefois, j'envoie des cartes postales. À quelle occasion ? Surtout pendant les vacances. J'ai plus de temps libre. J'aime bien en recevoir aussi, bien que ce soit de plus en plus rare. Pourquoi, à votre avis ? Je ne sais pas. Maintenant, on est toujours pressé. Bien qu'on ait plus de temps libre qu'avant. On est peut-être plus paresseux ? Non, mais il y a l'ordinateur, on envoie des courriels, c'est plus rapide. C'est la même chose ? Oui. Ah non, pas du tout. Bien qu'on puisse écrire de vraies lettres par courriel, on le fait rarement. On ne dit que les choses nécessaires. Je n'imagine pas écrire une lettre d'amour sur Internet. Et pourquoi pas ? C'est trop impersonnel. Malgré toutes les possibilités offertes par Internet, ça manque de sentiments.